Il a annoncé, lui et son équipe, cette semaine, qu'il allait transférer avec l'équipe GMS Racing. C'est une écurie de pointe en NASCAR camionnette. Et on lui parle ce matin pour parler un peu de sa décision. On parle de Raphaël Lessard. Salut Raphaël! Salut, ça va bien? Ça va bien Raphaël. D'abord, félicitations pour ton nouveau contrat avec GMS Racing. C'est une entente de 12 courses. Et je t'écoutais cette semaine au 91.9 mentionner que j'ai jamais perdu mon volant. C'est nous autres qui avons décidé de quitter. Donc, quelque part, ce que Louis Butcher avait écrit en fin de saison, c'était vraiment vrai. L'équipe, vous n'étiez pas nécessairement très content de la manière qu'on gérait les courses de l'équipe de Kyle Busch. Est-ce que je me trompe? Ben, on n'était pas content. On était quand même satisfait de la fin de saison qu'on avait eue avec Kyle Busch. Ouais. On s'avait battu pour des top 5, des victoires, puis on était très rapide. C'est juste que je dirais qu'on a regardé qu'est-ce qui était le mieux, puis on a trouvé des choses qu'on pense qui vont être mieux chez GMS, puis je pense que ça va être mieux pour mon futur dans ma carrière, pour les années qui s'en viennent aussi, pour être capable de me développer encore mieux. Fait que c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Chevrolet, je change avec Chevrolet, en changeant de manufacturier, c'est un gros changement. Mais regarde, ils ont un bon développement de pilote, je suis sûr. Puis l'équipe GMS ont fini 1, 2, 3 au championnat l'année dernière. Fait que je pense qu'on va être à. On a une bonne place, là. Je suis content de commencer un nouveau chapitre à un nouvel endroit comme GMS. Ok, effectivement. Qu'est-ce qui est mieux? Courir. Ben là, j'ai ma réponse, on marque bien, là, mais je vais t'apposer pareil. Courir à temps plein pour Kyle Busch ou 12 courses avec GMS Racing? Ah, c'est sûr que le temps plein, c'est ça qu'on souhaite. Ouais. Je dirais que on travaille fort pour trouver des partenaires présentement pour essayer de pouvoir signer les 22 courses. Il nous resterait 10 courses à signer. Puis c'est pour ça qu'on travaille très fort, là. On a encore un petit peu de temps pour pouvoir les signer avec l'équipe. L'équipe nous a laissé un petit peu de temps pour voir si on était capable de trouver le financement nécessaire. Fait qu'on travaille fort pour trouver des partenaires, des compagnies qui veulent peut-être m'encourager puis veulent s'afficher sur la camionnette. C'est ça qu'on travaille présentement, mais c'est sûr que le championnat, regarde, on se bat pour un championnat, c'est ça qu'on veut. Puis si on fait 12 courses l'année prochaine, on va faire 12 courses, puis après ça, l'année suivante, on va se préparer en conséquence pour être capable de faire le championnat complet. Ça prend quoi? Ça prend plus de financement, mais ça veut dire que si tu fais 12 courses avec GMS Racing, c'est parce que pour le moment, c'est ton budget qui te le permet. Donc, est-ce que je peux conclure que c'est plus dispendieux travailler avec GMS Racing que Kyle Busch? Non, c'est pas plus dispendieux de travailler avec GMS Racing. C'est juste que cette année, avec la pandémie puis tout ça nous a comme fait mal un petit peu. Ouais. Puis ça a fait mal à plusieurs personnes, je dirais. Puis c'est une année qui est comme un petit peu à oublier de ce côté-là. Ah oui. Fait que pour courir l'année prochaine, le budget, on travaille plusieurs choses, mais tu sais, ça va aller avec le temps. Mais c'est le budget qu'on avait, c'est pour 12 courses en ce moment. Mais je travaille plusieurs choses. On rencontre plusieurs compagnies qui ont de l'air intéressées à avoir de la visibilité avec moi, puis à se joindre à mon aventure. Fait que c'est des fois, comme on dit, c'est une question de temps. Puis après ça, on va voir, là, comme c'est là, c'est 12 courses. Fait que je suis content d'avoir signé pour 12 courses. On va essayer de faire le mieux possible. Puis après ça, on va se concentrer toute l'année pour essayer d'aller chercher des bons partenaires pour m'encourager cette saison et l'année prochaine et l'autre année d'après aussi. Y a-t-il une date limite? Oui, c'est en début décembre, fait que ça s'en vient rapidement. Fait que Ben oui, on OK. travaille fort. On OK. travaille fort. Donc pour les 12 courses, là, on va le savoir très bientôt. Mais t'es confiant dans l'ensemble de trouver ça? Ouais, mais pour les 22 courses, il nous en resterait 10 à trouver. Puis OK. disons que on est confiant, mais tu sais, c'est à cause ça il faut avoir un petit peu plus de temps, je dirais que ça serait possible. Mais là, le temps est serré, fait qu'on travaille fort puis on se croise les doigts, tu sais. Ok. Dis-moi, GMS Racing qui a remporté plusieurs victoires l'an dernier en camionnette. Tu te donnes combien de temps? Puisque je t'écoutais au 91.9 mentionner, si c'est pas cette année, ces 12 courses, ce sera en 2022, j'aurai mes 22 courses. Sauf que hier, je parlais avec Étienne Clich qui travaille pour la COP, qui a été mandaté par l'écurie de Michael Jordan comme ingénieur de course. Puis je lui ai parlé de toi, parce que je pense que c'est un de tes compatriotes de la Beauce. Puis il dit, Raphaël, le sort, il dit, on entend parler partout, j'ai beaucoup, beaucoup de contacts dans le domaine des paddocks. Puis il disait, le nom Raphaël le sort revient souvent. À un moment donné, il va falloir que tu passes à une autre étape, non? Est-ce que l'Infinity en 2022, c'est le plan? Oui, puis non, je dirais que ça dépend de la manière qu'on voit ça. Il y a plusieurs choses. On regarde plusieurs options. Je dirais que les camionnettes présentement, je dirais que le top 15 est plus compétitif. Mais si tu regardes le top 6, 7, la Xfinity est assez incroyable aussi. Puis les camionnettes présentement se conduisent un petit peu plus comme les Cup Series. Fait que c'est bon, hein. Je pense que les deux sont bons. L'Xfinity, c'est très bon. Les camionnettes aussi. Mais côté monétaire, pour le moment, pour nous, c'est mieux les camionnettes. Puis même, il y en a qui trouvent beaucoup plus d'avantages de conduire les camionnettes parce que ça ressemble un petit peu plus à un Cup Series, la manière que ça se conduit dans le trafic et tout Donc, ça. tu pourrais passer directement de la COP, de la camionnette à la COP, il n'y aurait pas de problème? Ça dépend. Je suis sûr qu'il y en a qui vont faire ça prochainement, comme des gars comme Sheldon Creed qui ont gagné le championnat. Ils font une autre saison en camionnette encore l'année prochaine. Puis ça m'étonnerait pas de les voir passer direct en Cup Series parce que les gars sont prêts mentalement. Ils travaillent avec Josh Wise, qui est un ancien pilote de NASCAR, qui les amène à penser comme un peu des pilotes, des choses que quand t'es tout seul, tu n'es pas capable de penser nécessairement quand tu es en course pis tout. Puis c'est avec eux que je vais travailler aussi cette année avec Josh Wise, qui fait partie qui est le coach de tous les pilotes, la plupart des pilotes Chevrolet chez GMS et comme en Cup Series cette année, il était coach de Kurt Busch aussi, puis tous ces gars-là. Fait, je pense que ça va être un bel atout à avoir pour pouvoir travailler avec un gars comme ça. Okay. JMS Racing, ça fait-tu longtemps que tu étais en pour parler avec eux autres? GMS, ça fait quand même un petit bout. Je dirais que avant la fin de la saison, on savait qu'on discutait un petit peu, puis on regardait les options. Eux, ils m'ont regardé toute la saison, puis ils m'ont regardé performer, puis ils aimaient vraiment qu'est-ce qu'ils voyaient. Puis je pense qu'ils sont contents de qu'est-ce qu'ils ont vu, surtout ma fin de saison, puis la rapidité que j'ai démontrée. Puis ils voulaient m'avoir, fait que. Je pense que c'est le fun. Je suis excité de travailler avec une équipe qui me voulait comme ça. Tu sais, ils auraient pu aller voir plein d'autres pilotes, mais ils ont décidé de me vouloir moi, un gars du Québec. Fait que Ben, c'est je suis ça. très content. Je parlais avec Patrick hier, Patrick Carpentier. Puis le fait que t'es Québécois, parce qu'on sait que c'est très chauvin le monde du NASCAR, est-ce que ça te nuit pas vraiment? Ça t'es vraiment rendu moulé là, vraiment là-dedans. Là. Je pense que oui, c'est ça. Des fois, ça peut peut-être nuire un peu parce qu'il y a tellement de pilotes aux États-Unis. Mais je dirais que ça l'amène une diversité comme je pense qu'avec cette année, moi qui étais dans les camionnettes, ça a amené les fans du Canada à regarder le NASCAR encore plus. Fait que ça, c'est je pense que le NASCAR le voit et puis je pense qu'il l'apprécie. Fait que j'espère un jour pouvoir que tout le monde regarde le NASCAR les fins de semaine au Canada. Ben, c'est sûr, depuis que tu es arrivé, puis tu as tellement une belle personnalité, tu es une personne très facile à vendre, effectivement. Quand on dit que tu déménages d'écurie, c'est-tu toi et juste toi qui déménages ou il y a une équipe avec toi qui s'en va avec GMS Racing? Comment ça fonctionne ou tu es vraiment pris par GMS Racing? Quand on déménage, les pilotes, Il y a c'est juste toi. souvent. Des fois, il y a des pilotes qui amènent leur chef d'équipe avec eux parce qu'ils l'aiment, puis ils ont un contrat juste avec le chef d'équipe, puis ils l'amènent partout avec eux. Mais comme moi, je m'en vais là, puis GMS, toute leur équipe est déjà prête. Je sais pas encore exactement ça va être qui mon chef d'équipe, mais je devrais savoir bientôt. Mais GMS, c'est une entreprise qui est quand même proche de 100 employés, je crois. Fait que sont quand même ils ont du monde en masse pour bouger les équipes puis mettre des équipes en place là pour que j'aille des bonnes personnes qui travaillent sur ma camionnette. Ben, Raphaël, félicitations, bravo pour cette nouvelle-là avec GMS Racing. On espère évidemment que tu trouveras le budget pour avoir 22 courses, qui serait l'idéal. Un gros merci à toi, là. Raphaël Lessard, de la Beauce, question d'attente cette semaine en camionnette à GMS Racing.